Ok, magistral, marginal. Marcel, Marcel. Ok, ok. Nique sa mère, moi je représente la cause. Et je baisse les mariés qui passent entre les mazones. Violent comme la blanche ou la jaune. Je rentre sur les ondes, du sang sur les ondes. Une détermination sans faille. Même si le temps passe, la sorcière est en panne. Je vise la première place comme les sympas. J'avance, je perds pas mon temps à faire les sympas. Seule la victoire est belle, le jet sans vous. Mais pas comme ces chiennes qui lèchent mon cou. Je m'en fous qu'elle me fuit, qu'elle m'attend pas. Frère, je suis déter comme l'auteur d'un attentat. Rien à perdre, nique sa mère, je m'en bats les couilles. Je reste pas dans la merde, là, je brasse les sous. Je ramène, je brasse les fous. Money, money, money, money. Qui contrôle ma zone? Qui contrôle ma zone? Mais qui contrôle ma zone? Qui contrôle ma zone? J'ai trop d'ambition, je trace comme le concorde. Blesse sur la mission, t'inquiète, garde le contrôle. Te me prends pas, j'ai où je vais, d'où je viens. Le cœur en bas, les vrais ont mon soutien. Je représente les pauvres et les ouvriers. Les errants, les pauvres et les oubliés. Entends bien, je baisse le gouvernement. Ça cause, t'accuse, le tue ouvertement. C'est fou, comme le chaos, premier round. Faire ses sous dans le chaos de l'underground. Ça fait de la rue, de la haine à l'état pur. Comme une trapule qui baisse devant ta pute. Me prends pas pour un skeg parce que je marche droit. Ouais, je marche droit, je te saigne pour qu'un marche droit. Hey, c'est offert à tous les vrais qui pètent les plombs. À mes frères pas payés qui jettent les ponts. Qui contrôle ma zone? Qui contrôle ma zone? Mais qui contrôle ma zone? Qui contrôle ma zone? Qui contrôle ma zone? Qui contrôle ma zone? Mais qui contrôle ma zone? Qui contrôle ma zone? Ok, c'est le magistral marginal. Hey, Marseille, Marseille. Ouais, Bouba, t'assure rien, mon frère, t'as tourné les grosses prods. Big up, au bout de mes cœurs. Hey, toi et ma lèvre, signez-moi, lui de me faire reprocher. Hey, c'est dédicacé, au mien, à la marque, aux indépendants, y'a tous les marginaux. 06, 68, 55, 84, 83. Si tu veux faire tourner les grosses prods, si tu es une folle, téléphone. Hey. Magistral, marginal, aka la sagesse d'un fou, la folie d'un sage. Brac, brac.